Bonjour à toutes et à tous, je suis Malorie Forger, je vais vous présenter le début de mon projet de thèse en architecture qui a débuté en décembre 2017 sous la direction de Gilles Novarina ici présent et co-encadré par Stéphane Sadou au sein du laboratoire culture constructive et avec un contrat doctoral du LABEX AECC. Donc le titre actuel de ma thèse est « Évolution du paradigme de la frugalité énergétique ». Les expérimentations de la ville nouvelle de Milton Keynes en matière d'habitat, 1967-2017. Ma présentation va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais présenter la ville de Milton Keynes et ses enjeux actuels en termes de développement et de transition énergétique. Ensuite, je présenterai mon approche de travail et je finirai par l'avancement actuel de mes travaux. Désolée pour le rendu de la couleur. Donc cette thèse porte sur les nombreuses expérimentations qui ont été menées dans la ville nouvelle de Milton Keynes depuis sa création à aujourd'hui. De nombreux projets allant de l'échelle de l'édifice à l'échelle du quartier ont un caractère expérimental autour de la question de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc Milton Keynes est une ville nouvelle britannique programmée en 1967 suite à l'application du New Towns Act en 1946. Elle est située à environ 70 km au nord de Londres. Le New Towns Act prévoyait la programmation de 10 villes nouvelles localisées autour d'une ceinture verte autour de Londres dans le but de désengorger les populations et les activités de la capitale. Au final, il n'y a pas eu 10, mais une trentaine de villes nouvelles qui ont eu lieu, réparties en 3 phases, et Milton Keynes fait partie de la troisième et dernière de ces phases, qui a duré de 1967 à 1970. L'urbanisme de la ville fait référence à de grands modèles urbains du XXe siècle, mais ce qui attire en premier lieu mon attention sur cette ville, ce sont 3 expositions qui ont lieu entre 1981 et 1994 et qui sont au sujet de l'efficacité énergétique dans l'habitat individuel. Donc cette période de création et de planification de la ville correspond aussi avec une période de prise de conscience écologique. Les 2 chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont eu un impact sur la situation économique des pays industrialisés tels que les États-Unis ou certains pays d'Europe et ont donc impacté les populations qui prennent conscience des limites de nos ressources naturelles et de l'impact de notre mode de vie sur l'environnement. La notion de développement durable apparaît en 1968 lors de la conférence de Stockholm et avec la publication du Club de Rome Limits to Growth. Le rapport Brundtland en 1987 définit le développement durable comme étant un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Alors depuis, la notion de développement durable a été étudiée, déclinée, etc. Et dans le cadre de cette thèse, moi je choisis d'entrer dans le sujet par la question de la ville frugale et de la frugalité énergétique. Alors qu'est-ce que la ville frugale ? J'ai commencé une première définition. Jean Adjens, dans son ouvrage « La ville frugale », l'a définie comme étant une ville qui se fixerait pour priorité d'offrir plus de satisfaction à ses habitants en consommant moins de ressources. Il ajoute qu'elle s'appuie sur un courant d'inspiration qui tend à privilégier les valeurs de simplicité, de santé et de retour au naturel. Donc l'auteur dans son ouvrage aborde les questions de densité et d'habitat. En effet, la ville frugale correspondrait à une zone de densité moyenne qui est celle des petits immeubles et des maisons de ville. Il ajoute que parmi les défis que doit relever la ville frugale, l'organisation des polarités et des centralités est assurément la plus complexe. Donc, le modèle de la ville frugale traite des questions d'habitat, de densité, de gestion des polarités et même d'un système de transport performant. Ce qui me fait penser que l'analyse de la ville de Milton Keynes doit se faire de façon transcalaire et plus particulièrement à 3 échelles que je vais justifier au fil de ma présentation, qui sont l'échelle de la ville-territoire, de l'unité de voisinage et de l'édifice. Alors, la ville-territoire est un terme que j'emprunte à Frank Lloyd Wright, qu'il utilise au sujet de sa cité idéale, Brodecker City. Je le disais en introduction, l'urbanisme de la ville fait référence à de grandes références urbaines du XXe siècle, qui sont, en l'occurrence celles que je vais vous présenter, sont les Garden Cities des Ebenezer Awards, la ville moderne définie par Le Corbusier et Brodecker City, l'utopie urbaine de Frank Lloyd Wright. Un point commun de ces trois modèles urbains, c'est qu'ils découlent de projets de société idéale imaginés par leurs auteurs. Et donc les projets spatiaux qu'on peut comparer par une analyse morphologique sont en fait un cadre spatial, une proposition de cadre spatial qui découle d'un projet de société qui comprend aussi des volets économiques et politiques, entre autres. Donc étant donné leur nombre de références et leurs différences, elles sont partiellement convoquées dans le cas de Milton Keynes. Et donc l'étude de la ville fera appel d'une part soit au modèle théorique, donc à la pensée utopique des auteurs, soit aux modèles spatiaux qui ont été la traduction de ces modèles-là. Je vais m'expliquer plus par la suite. Donc première référence aux Garden Cities d'Ebenezer Howard. Le lien entre les Garden Cities et Milton Keynes réside en premier lieu par le fait que Milton Keynes est une New Town et que le modèle, le mouvement des New Towns est une déclinaison des Garden Cities. En effet, le New Towns Act, comme je le disais, prévoyait la programmation de 10 villes nouvelles en vue de désengorger la ville de Londres, qui sont en fait une stratégie de dispersion et de déconcentration urbaine qui a été initialement prônée par Ebenezer Howard dès la fin du 19e siècle. Donc je vais m'intéresser plus en détail à l'affiliation entre ces deux modèles urbains, et notamment l'approfondissement de mon travail va consister à établir ce qui, dans le cas de Milton Keynes, est plutôt hérité de la pensée utopique de Ward ou du modèle morphologique traduit par Raymond Unwin et Barry Parker. Donc pour en revenir à la définition de la ville frugale que je donnais tout à l'heure, on commence à remarquer que la théorie de Ward a déjà répond à certains critères de la ville frugale qui sont les espaces végétalisés, la faible densité, etc., bien que le concept n'existait pas encore à l'époque. La deuxième référence, qui semble assez évidente quand on observe le plan de la ville, je l'introduis en citant David Mongin dans son ouvrage « La ville franchisée » paru en 2004, qui dit que Milton Keynes apparaît encore aujourd'hui comme le modèle achevé de l'urbanisme de secteur, et donc il dit ça en la comparant à Chandigarh. Sur la droite de l'écran, vous pouvez voir donc le schéma qui synthétise la théorie de Le Corbusier, de différenciation des voies de circulation. Et sur la gauche, donc, le plan de Milton Keynes qui montre les réseaux viaires et le réseau de parcs de la ville. Ce plan-là montre les différenciations des voies de circulation, la hiérarchisation de celles-ci en fonction des vitesses de circulation, et qui met en évidence aussi la place omniprésente de la voiture et le travail sur un réseau de parcs. Troisième référence que j'aborde aujourd'hui, la comparaison entre Milton Keynes et Brodecker City est faite dans une exposition du Center Milton Keynes à l'occasion des 50 ans de la ville. Frank Lloyd Wright imagine une société basée sur le développement de l'individu et les valeurs de la famille, qui se traduit spatialement par une ville où la voiture occupe une place de choix, car synonyme de liberté à cette époque, et une ville diffuse, que des inventions telles que le téléphone ou la voiture ont enfin rendu possible. Donc j'ai commencé une comparaison de ces trois modèles-là. C'est un travail intermédiaire qui doit être précisé, notamment dans le but de différencier ce qui est issu des modèles de pensée utopique et des modèles morphologiques. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre en lien les différences et les points communs entre ces trois modèles-là. Bien sûr, les critères que j'ai choisi de mettre dans cette synthèse ici sont sélectionnés en fonction du cas de Milton Keynes. Voilà, pour ce qui est de l'échelle de la ville-territoire, l'unité de voisinage. Maintenant, donc, à Milton Keynes, il y a de nombreux quartiers qui ont été conçus dans l'objectif de mener des expérimentations à l'échelle du groupement de maisons ou de l'unité de voisinage. Un premier exemple que je vais détailler ici, qui est donc la plus grande image, c'est le site de la première des trois expositions dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été programmé. Les parcelles ont été découpées et est répartie à des architectes dans le but d'y construire des prototypes. L'implantation des voiries fait référence à la figure du close, théorisée par Raymond Unwin, Mais on voit que l'implantation des prototypes montre une prise de liberté par rapport à ce modèle-là. Donc je vais creuser un petit peu plus la ressemblance entre ces théories-là et les formes urbaines qui peuvent être repérées dans la ville. Deuxième exemple, sur la droite, donc vous avez le plan cette fois de la deuxième exposition qui a eu lieu à Milton Keynes. C'est le plan qui a été communiqué aux visiteurs lors de l'inauguration de l'expo. Sur la gauche, on voit le site de l'exposition est en fait compris dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Energy Park. Et les expériences de l'expérimentation, donc des 50 prototypes construits, ont servi à concevoir les 1000 autres maisons du quartier, donc qui bordent le site de l'exposition. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce quartier-là, c'est que Energy Park, en l'occurrence, occupe les deux îlots qu'on peut voir sur ce plan-là. Et donc l'îlot au nord est séparé en deux parties. Les choses ne sont pas très claires, mais il y a une partie qui est destinée à de l'emploi et à de l'activité, et une autre partie qui est réservée à des parcs. On a aussi des zones de réserves naturelles, etc. Donc on voit que l'exposition, là, s'inclut dans un projet qui est beaucoup plus large, qui est complet, avec une mixité fonctionnelle. Donc ici, je cible et je limite le nombre d'exemples que je peux donner, mais il y a encore de nombreux autres quartiers qui ont fait l'objet de démarches comme celle-ci à Milton Keynes. Et pour finir avec l'échelle de l'édifice, alors, à Milton Keynes, comme je vous le disais, il y a trois expositions qui ont eu lieu sur le thème de la performance énergétique et de l'habitat individuel, qui sont localisées comme ceci. Au centre, en légèrement grisé, c'est les deux îlots du centre de la ville de Milton Keynes qui ont été les deux premiers bâtis. C'est pas une ville qui a réellement un centre, comme vous pouvez voir d'après le plan, mais pas historiquement, mais en termes de chronologie, c'est les premiers îlots bâtis. Donc juste pour un repère spatial. La première exposition, la Homeward Exhibition, a eu lieu en 1981. Le thème annoncé était les dernières évolutions en termes de conception et de technologie dans l'habitat. Donc beaucoup d'architectes ont proposé des maisons qui étaient peu énergivores déjà à l'époque. 36 maisons sont construites à ce moment-là. La deuxième exposition, 5 ans plus tard, en 1986, Energy World donne lieu à 51 prototypes. Ainsi qu'à un partenariat universitaire avec l'Open University, qui est l'université à distance basée à Milton Keynes. Et le partenariat scientifique, la collaboration entre la Milton Keynes Development Corporation et l'Open University a donné lieu à la création d'un outil qui s'appelle le Milton Keynes Energy Cost Index et qui est un outil qui permet de mesurer la performance énergétique des bâtiments. Donc, comme on voit sur le petit graphique à droite de l'écran, les objectifs fixés dans le cadre du projet Energy Park sont 30% inférieurs à ce qu'on observe en moyenne en Angleterre à cette époque. Et pour finir, la troisième exposition, la Future World Exhibition en 1994. Le thème annoncé là est la performance énergétique et la conservation de l'environnement. Et cette exposition donnera lieu à moins de prototypes que les précédentes, une douzaine. Donc, pour le moment, ce que je peux mettre en évidence, c'est l'évolution de la demande qui est formulée lors de ces expositions-là, qui est de plus en plus très précise et de plus en plus tournée vers le respect de l'environnement et la question de l'énergie. Ces trois expositions ont lieu à 3 ans d'intervalle et donc l'évolution de la demande montre un changement de paradigme. On arrive donc à l'exposé de ma problématique, qui est donc du modèle hérité des Garden Cities aux influences du mouvement moderne, quelles conditions favorisent l'expérimentation en matière d'habitat et en quoi Milton Keynes peut être vu comme un laboratoire de la frugalité énergétique. Pour répondre à cette question, je formule l'hypothèse suivante. Alors, l'urbanisme de secteur aurait permis un choix et une liberté de forme architecturale. Le secteur étant une entité indépendante, il ne fixe pas de règles de composition à l'échelle de la ville. Et la différenciation des voies de circulation permet de plus de s'affranchir de certaines règles d'alignement, de hauteur, d'implantation ou de composition de façade sur rue, par exemple. Donc Milton Keynes, par son statut de ville nouvelle à bâtir de toutes pièces, devient un laboratoire urbain. De plus, l'hypothèse est que dans le contexte culturel et environnemental dans lequel s'est développée la ville, les expérimentations menées à Milton Keynes se sont tournées vers la frugalité énergétique. Pour vérifier cette hypothèse, ma méthode sera dans un premier temps, donc suivant les trois échelles que j'ai déterminées, pour ce qui est de la ville-territoire, d'utiliser des ressources bibliographiques et cartographiques, avec notamment l'emploi de l'analyse typomorphologique, avec des outils tels que la cartographie, qui me permettra de mettre en évidence et de comprendre les différents systèmes et réseaux et formes urbaines qui font la ville. À l'échelle de l'unité de voisinage, je vais étudier les différents secteurs, utiliser l'outil de la schématisation et la comparaison avec des schémas théoriques, de façon à établir des filiations avec d'autres modèles urbains. Et pour ce qui est de l'échelle des prototypes, je vais comparer leur performance énergétique avec les standards de l'époque et les standards actuels, et étudier les dossiers de plan et des critères tels que les matériaux employés, les critères d'ensoleillement, la compacité de la forme, etc. De plus, j'aimerais compléter cette analyse à l'échelle du prototype par des entretiens avec les habitants qui me permettraient d'intégrer la notion de l'usage dans mon analyse, qui est garante aussi du bon fonctionnement des constructions. Alors, pour terminer, ma dernière partie sur l'avancement actuel de mes travaux et plutôt la présentation de ma première expérience de terrain que j'ai choisi d'imager pour étayer mon propos. Je me suis rendue à Milton Keynes début du mois de février avec pour objectif d'établir une première prise de contact avec ce terrain, mais avec déjà en tête plusieurs aspects de la ville à observer. Donc, premièrement, la question de l'espace public. Je me suis demandé, après première analyse, ce que générait cet urbanisme de secteur, cette différenciation des voies de circulation, cette ville diffuse, qu'est-ce que ça génère comme type d'espace public ? Et donc, voilà quelques exemples des passages sur la gauche. On a un passage sous les grilles, parce que la communication entre secteurs est assurée. Donc, sous les voies de circulation principales, on a des voies piétonnes qui donc sont gérées par des tunnels, des ponts, etc. Et avec des espaces en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine qui sont plus ou moins vivants ou accueillants. En haut à droite, j'ai trouvé intéressant de montrer une image du grand hall du très grand centre commercial de la ville qui est pour moi comparable à une place publique, bien que ce soit un espace public intérieur, mais voilà, géré, fermé par ses quatre façades et par ses dimensions, ça serait comparable à une place. Et en contraste complet, la présence de végétal en ville et le respect des réseaux de canaux, etc., et d'irrigation existants, génère le type d'espace qu'on a en bas à droite, qui semble assez généreux. Une deuxième grande question liée à la ville de Milton Keynes et intrinsèquement liée à la question de la frugalité, c'est la mobilité, et plus précisément la place de la voiture et ou la non-place du piéton. Donc, inévitablement, Milton Keynes est une ville dédiée à l'usage de la voiture. Tout est parcourable en voiture, il y a des parkings de partout. Les distances à parcourir sont très importantes parce que la ville est diffuse et très peu dense. Et voilà, la présence de ronds-points très régulière, des parkings même en plein centre de la ville, et pour le coup, le piéton qui n'a pas vraiment sa place. Comme l'illustrent très bien les panneaux, au cas où l'urbanisme de la ville ne l'ait pas montré lui-même. Donc, pour vérifier et imager dans le cas de Milton Keynes cette théorie des 7 V par Le Corbusier, j'ai dressé un inventaire des différents types de voies de circulation que je pouvais relever à Milton Keynes. Et donc, je les ai classées de la voie la plus rapide, donc les voies qui forment la grille tout en haut à gauche. Et après, on décline avec les voies qui desservent l'intérieur des secteurs. Ensuite, je vous ai montré deux typologies de voies qui passent sous les grilles, plutôt dans le centre de la ville en haut et plutôt proche des parcs en bas. Et enfin, les voies piétonnes pour circuler à l'intérieur des parcs et entre les immeubles et entre les habitations. J'ai relevé aussi la présence importante de la végétation en ville et en partie l'entretien du mythe de la ville à la campagne ou de la campagne en ville, mais aussi la présence d'espaces végétaux généreux au sein même des quartiers d'habitation. J'ai aussi commencé à dresser un inventaire des différentes formes urbaines que je pouvais relever à Milton Keynes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que l'outil du parcours Et le relevé de photo, en fait, n'est pas l'outil le plus adéquat et je vais continuer ce travail en plan. Et donc, pour finir, voici quelques images des prototypes des expositions. Donc là, on est sur la première exposition en 1981 qui a donné lieu à des prototypes assez originaux, tout comme à des habitats qui paraissent plus sobres. La deuxième exposition, Energy World, qui a pour spécificité, par rapport à la première, nombreux des prototypes concernent en fait des maisons mitoyennes par deux et souvent par quatre, alors que la première c'était essentiellement des habitats isolés, des maisons isolées, quelques prototypes de maisons doubles, mais voilà, il y a un vrai travail sur cette compacité qui est qui apparaît dans la deuxième exposition. Et enfin, la troisième exposition, qui, elle, à ma connaissance, n'a donné lieu qu'à des constructions de maisons isolées et à, je le disais tout à l'heure, à une dizaine de prototypes. Pour être honnête, c'est l'exposition pour le moment sur laquelle j'ai réussi à avoir le moins d'informations. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est... Enfin, de toute façon, pour le moment, ce n'est pas la partie de ma recherche que j'ai le plus creusée, car, comme je vous disais, j'ai réparti mon analyse de la ville en trois échelles, qui correspondent aussi à trois phases de ma recherche. Et donc, pour le moment, j'en suis à la première et à l'échelle de la ville-territoire. J'ai aussi commencé à mener un travail donc, de cartographie et de décomposition de la ville par un fichier composé en fait de différents calques qui me permettent de superposer et de mettre en lien différents réseaux, différentes infrastructures de la ville et qui sont en fait une façon pour moi de décomposer et de comprendre les mises en lien de différents réseaux et la façon dont a été conçue la ville. Parce qu'en fait, la ville de Milton Keynes a été programmée et prévue en plan. Donc je suis en train d'essayer de décomposer cette ville-là. Et c'est aussi c'est un outil de compréhension pour moi, de travail et de communication qui me permet aussi de communiquer mes travaux. Pour terminer, j'ai essayé de schématiser un peu l'ensemble de ma démarche, qui consiste donc en une analyse suivant trois échelles de la ville de Milton Keynes, la ville-territoire, l'échelle de l'édifice, l'unité de voisinage et l'édifice. Et je vais mener en parallèle une analyse typomorphologique et une comparaison avec différents projets, références, et en parallèle une analyse théorique et une comparaison entre les objectifs annoncés de la ville au moment de sa conception et des grandes pensées utopiques du XXe siècle. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que vous cherchez ? Et alors la question, qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche à comprendre d'un point de vue urbain et architectural, qu'est-ce qui a rendu possible ces expérimentations-là, en fait, à Milton Keynes, ces expositions, de quel cadre urbain et architectural, mais aussi politique et économique, je peux pas le nier, je suis obligée de... Enfin, c'est normal, ça fait partie de mon travail d'étudier les conditions de programmation de la ville, et le but est de voir ce qui a rendu possible et le bon fonctionnement, en fait. Parce que cette ville-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est la seule ville nouvelle dont la croissance démographique augmente. Elle a aujourd'hui atteint le nombre d'habitants pour lequel elle a été conçue. Donc il y a de réelles questions qui se posent en fait quant au développement futur de la ville. Et y a, en fait, même si, enfin, vous disiez que vous connaissez pas cette ville, mais elle est très peu connue. Et en fait, même des citoyens britanniques, certains ne la connaissent pas. Et ceux qui la connaissent parce que c'est une ville qui est pas belle. Par contre, les habitants de Milton Keynes revendiquent habiter dans la 3e Garden City d'Angleterre et adoptent le système de tram et de transport et vont le vanter et en vanter les mérites. Donc, il y a de réels enjeux actuels dans le fait de comprendre ce qui fait que cette ville-là fonctionne, en fait. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour le moment, je ne sais pas si j'ai pour ambition d'en déduire un modèle reproductible pour dire, voilà, il faut faire ceci pour que les villes faudelles se développent. Je ne sais pas, mais pour le moment, c'est ça qui me pose question, en fait. D'accord. Non, mais là, c'est... Voilà, là, je commence à voir un petit c'est peu plus clair. Je suis désolée, j'ai dû trier beaucoup d'informations. C'est pour cela que moi, je trouverais très intéressant, par exemple, de voir déjà quel est le vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire, le vocabulaire de Ward, de Wright ou de Le Corbusier. Comment ils ont utilisé ce vocabulaire, c'est trois personnes qui viennent d'univers différents, des pays différents. Aussi, quelle est la vision, par exemple, quel est le statut, par exemple, que vous donnez à cette histoire des expositions dans votre recherche, des trois expositions, et surtout à la notion de prototype, oui. Que vous abordez, mais à une échelle, mais pas à l'autre échelle. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est dommage de ne pas creuser un petit peu plus là-dedans. Je comprends que cette histoire des expositions va vous permettre, quelque part, de comprendre l'évolution d'une demande. Et je me demande aussi s'il y a d'autres villes frugales comme cela. Alors, il existe d'autres modèles de villes, la ville durable de demain, des villes qui sont qualifiées de villes sobres ou de villes résilientes. Par qui ? Par d'autres chercheurs, enfin par la communauté de chercheurs. Après, il y a... comment dire ? Il y a des villes qui se revendiquent comme étant des villes durables, etc. Mais j'ai pas, pour être parfaitement honnête, j'ai pas mené d'études comparatives. Je m'intéresse à ça parce que, en fait, le modèle de la ville frugale est... pour le moment, de ce que j'ai trouvé, assez peu théorisé, donc j'essaye d'en faire ma définition à moi, en croisant ce que je trouve, mais je m'informe aussi et je me nourris de d'autres types de villes, les villes sobres, les villes résilientes, etc., qui viennent un peu nourrir et, ma définition même de la ville frugale. Après, est-ce qu'il y a d'autres villes qualifiées de frugales dans le monde, par rapport à Milton Keynes? Est-ce que par exemple ce tableau que vous proposez, Thibaut Moreau, ouais. Et théorique, on dirait que c'est déjà très, peut-être trop cadré, oui. Par rapport à votre démarche. Je ne sais pas. Non, mais ça peut beaucoup changer. Hein. C'est, oui, c'est évidemment, mais là, très instantané comme schéma. Mais ouais, je comprends. En fait, c'est pour bien marquer la distinction entre d'une part ce qui est issu de la référence purement morphologique. Oui. Comme j'ai commencé à le soulever avec les trois références à l'échelle urbaine, et tout ce qui va être de l'ordre du processus à côté, donc les différents changements politiques, la question économique, la question culturelle, etc. Oui, la confrontation avec le réel. Exactement. Avec la chose telle qu'elle est. Exactement. Et donc, l'objectif, c'est de différencier ces deux parties-là, parce que je ne peux pas tout mélanger, en fait. Je ne peux pas... Comment dire ? Je ne peux pas utiliser les références de la même façon si j'essaye de savoir en quoi les objectifs de la ville de Milton Keynes, c'est-à-dire les créateurs et les planificateurs de la ville, ont émis des plans dans lesquels ils écrivent les objectifs de la ville. Donc ça, je vais le comparer avec des schémas de pensée théorique. Mais du coup, je ne peux pas mélanger ça avec la traduction spatiale et morphologique de la ville. Donc j'essaye de différencier les deux, qui sont en parallèle, bien sûr, mais... Je différencie pour bien faire la distinction. Parce qu'on dirait, dans vos intuitions de tout à l'heure, on dirait qu'il y a une vraie préoccupation par ces enjeux. Ouais. Et ces enjeux, ils ne sont pas dans les plans. Ces enjeux, ils sont là, ici et maintenant. Mm-hmm. Donc, je crois que ça serait intéressant aussi de voir de quelle manière les enjeux, ils n'étaient pas planifiés ou comment ils avaient planifié ces enjeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça vous permet peut-être de élaborer des catégories un petit peu précise ou plus... Voilà. Alors, question. Oui, Thierry Geoffroy. Oui, merci pour cette présentation. Il m'éclaire un peu plus sur ce lieu que j'ai parlé de la science. Qui donne plus de choses beaucoup plus concrètes. Mmh. Bien entendu, je suis très interpellé par cette notion de prototype. J'ai entendu parler de la GVS, c'est vraiment l'occasion de travailler dessus. Alors, je ne sais pas à quel point tu pourras travailler sur cette question-là, mais je trouve ça particulièrement intéressant. Le fait que toute cette démarche de construction de prototype en plusieurs phases avec des cycles de connaissances qui sont un peu différents en fonction des périodes, qui montrent aussi des approches un petit peu différentes de l'architecture climatique, parce qu'avec un retour, alors c'est peut-être des images que la chose qui change un peu, mais on sent aussi une évolution dans ce qui est proposé. Oui. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui revient de aussi à des choses qui sont arrivées en France, c'est qu'il y a des choses qui sont très expérimentales, peut-être trop, et on ne retrouve pas, parce que c'est, peut-être c'est pas possible, dans après l'architecture qui est réutilisée après de façon là. C'est le cas à Milton Keynes aussi. Alors, je ne sais pas à partir de quand la réelle qualité architecturale ou environnementale des prototypes a été reconnue et évidente, mais je sais qu'au moment où elles ont été construites, l'objectif était de les construire rapidement et de les vendre à un prix abordable. Aujourd'hui, surtout ce qui m'a choqué lors de la visite du site de la troisième exposition, c'est ce sont de toute évidence des quartiers habités par des personnes très aisées. Et je dis pas ça que par rapport aux voitures qui sont garées devant, parce que ça n'a pas beaucoup de sens en Angleterre, mais réellement par rapport à l'ambiance du quartier, aux peu de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, et à voilà, l'entretien qui est porté sur les maisons, etc., ces prototypes-là sont devenus relativement prisés, à mon sens. Par contre, information contradictoire, donc je ne sais pas vraiment quoi faire, j'ai aussi rencontré des gens qui vivaient dans des prototypes de la seconde exposition et qui n'étaient pas au courant de ce que c'était. Qui ne savaient pas ce qu'était Energy War. Donc c'est assez étrange. J'ai rencontré des personnes qui vivaient dans un des prototypes de la première expo et qui, eux, avaient quantité de documents qui m'ont permis de consulter et qui sont très informés sur tout ce qui s'est passé, qui étaient les deuxièmes acheteurs de la maison, donc ce n'est pas ceux qui l'ont acheté au moment de l'exposition, mais qui vivent dedans et qui entretiennent ça et qui m'ont montré les systèmes de ventilation, de triple vitrage, de casquettes pour parer du soleil, et en m'expliquant que tout ça était d'origine et que ça fonctionnait encore. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qui ont été mises en place et qui sont encore en fonctionnement aujourd'hui et assez, assez exceptionnelles, je trouve. Donc après, ce qui est de la qualité de l'enveloppe finale, voilà, c'est des expérimentations des années 80, donc c'est l'intérêt du prototype, mais ce qui est de l'évaluation des prototypes et les recommandations, pour moi, c'est les répercussions qu'ont eu ces expositions-là, qui sont une grande question, et l'évaluation des prototypes d'eux-mêmes. Donc ça fait partie de ce que j'ai prévu de faire, l'évaluation des règlements des expositions, la sélection des équipes, est-ce qu'il y a réellement une sélection ou pas, comment ils ont appelé les équipes d'architectes, parce qu'il y a des architectes originaires de plein de pays du monde entier. Est-ce qu'il y a eu un concours, un classement et ce qui est par-dessus tout intéressant et qui me met vraiment la puce à l'oreille, c'est la deuxième exposition qui est inclue dans un projet encore plus large et dont l'enseignement et les expérimentations menées dans 50 prototypes ont été après tirées pour construire les 1000 autres qui sont tout autour. Et là, à mon sens, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est plus dans de l'habitat isolé ou par deux ou par quatre, on est dans de l'habitat plus dense et de tirer des leçons de quelque chose à une échéance qui est très rapide parce que ça se fait dans la foulée en fait. Donc voilà, il y a plein de choses à étudier. Pour le moment, j'ai réussi à recueillir certaines informations et j'avoue que c'est peut-être amené à changer, mais pour le moment, mon découpage en trois échelles et trois phases m'a permis de garder ça bien au chaud pour d'ici quelques mois parce que j'avoue que pour le moment, je dois me positionner et j'ai bon espoir que les études des échelles avant, par ordre en fait de réalisation, c'est aussi comme ça que ça s'est fait. La planification de la ville a été faite avant ces expositions-là, donc j'essaye de reconstituer un petit peu tout ce qui s'est passé, quoi, pour comprendre. Mais bon, j'ai conscience du fait qu'il me reste encore plein de termes à définir et de notions à aborder, d'exemples à voir ou autre, mais j'ai dû faire un choix très ciblé de ce que je vous montrais aujourd'hui. Merci. Oui, Catherine. Oui, c'est un magnifique sujet, cette ville. Merci de pouvoir nous proposer. Je pense que pour comprendre les enjeux de cette ville et son développement, son histoire, ce qu'elle nous raconte, il faut aussi la situer non pas uniquement, on va dire, dans des théories urbaines de la fin du 19e ou début du 20e, et je fais référence évidemment à la Garden City, à Waterloo City ou à Le Corbusier, mais surtout à ce qui se passe au sortir de la Seconde Guerre mondiale et justement à ce moment où on va construire dans le monde occidental un grand nombre de villes nouvelles. Parce que la référence est ça, vous avez une multitude de revues qui vous montrent ce qui se passe à la fois en Norvège, en Suède, donc en Europe du Nord, qui vont être des modèles de référence, y compris pour les villes nouvelles françaises. Vous avez aussi un très grand nombre de villes nouvelles qui se construisent aux États-Unis. Et donc, du coup, là, ces différentes échelles que vous mettez en avant, Wright n'utilise jamais le terme de ville-territoire. Donc, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, mais il ne l'utilise pas. Ah, c'est vrai. Je l'ai lu dans un ouvrage, mais... Vous avez un ouvrage que je peux vous prêter. Oui, mais je l'ai aussi. Mais c'est un terme qu'on ne peut pas trouver, d'abord, parce que ce terme-là, en anglais, ne peut pas exister. La ville-région ou la ville-territoire. Ah, c'est pas la même chose que ville-région. Il y a un auteur qui les a assemblés. Je suis désolée. Oui, mais en tout cas, Wright n'utilise pas ce terme, c'est pas grave. Mais il faudra pas dans la thèse. Ouais, c'est clair. C'est pas la question. c'est que je pense que, par contre, l'unité de voisinage, c'est fondamental. Mmh. Et cette unité de voisinage, en effet, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de penser le passage de l'échelle de ce qu'on appellerait, nous, le quartier, en gros, mais justement, dans ces nouvelles formes urbaines, on ne peut plus parler en termes de quartier, donc l'échelle de la maison, de l'édifice, de la rue, l'échelle de la communauté, de la community, puisque c'est pareil en français, on ne pourrait pas trop traduire ce terme-là, à l'échelle de la ville, dans son ensemble. Et Milton Keynes, sa spécificité, c'est qu'en effet, quand on compare, il y a un numéro d'architecture d'aujourd'hui qui compare les villes nouvelles qui sont en train d'être construites, les différents plans, et on voit que c'est une échelle qui est complètement différente des autres. Et on comprend tout de suite que l'enjeu, là, il est autre. Et cette unité de voisinage, donc pour ça, pour comprendre la logique, ce n'est pas le secteur de Le Corbusier, c'est l'unité de voisinage de Clarence Perry en 1921 aux États-Unis, qui va être réempruntée pour aller voir Radburn. Donc il faut aller voir Radburn, il faut aller voir Clarence Perry, donc Clarenstein, et il faut aller voir ensuite les New Towns aux États-Unis, les Greenbelt Towns et les New Towns aux États-Unis. Donc tous les ouvrages de Clarenstein, parce que ça, ça donne des clés, en fait, pour la compréhension de l'unité de voisinage et comment cette échelle, en fait, est capitale pour penser à la fois l'échelle, en effet, pour eux, à l'époque du piéton, on voit bien que là, en l'occurrence, visiblement, je ne sais pas si elle est très présente, mais dans les villes nouvelles aux États-Unis, chez le piéton Alors, le problème, c'est que nous, en tant qu'Européens, quand on va dans ces villes, il ne faut pas les parcourir de la même façon. Oui. Justement, il faut prendre faut comprendre le réseau piéton qui est différencié de celui automobile. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça, c'est une première chose. Et du coup, de faire le lien entre cette ville nouvelle et les autres villes nouvelles qui se construisent, qui se pensent et se construisent à ce moment-là, ça va permettre de donner des clés de lecture. Mmh. Aussi parce que cette ville, en effet, c'est un véritable laboratoire. Ouais. Et depuis le début, son projet, sa conception, la façon dont elle va, comme nombre de villes nouvelles, sont des laboratoires. Des laboratoires à l'échelle urbaine, mais aussi à l'échelle architecturale. Les villes nouvelles françaises, elles ne sont pas si différentes. Hein, on va avoir des tas de prototypes aussi de bâtiments d'expérimentation architecturale, y compris à côté, à très loin de chez nous, à l'Idabo. Oui, oui. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est comment nombre de ces villes nouvelles, pas toutes, mais nombre, leur enjeu, c'est justement de proposer une autre ville que celle que l'on a construite jusqu'alors. Et Milton Keynes, il y a des pages de revues d'architecture mais extraordinaires où c'est des grands champs. C'est des grands champs dans lesquels les enfants jouent et c'est la ville que l'on va proposer. Mm-hmm. Un peu comme Ildabo, regardez les affiches de Ildabo dans les années 70, c'est extraordinaire. C'est les arbres, les fleurs. Donc c'est évident que là, l'environnement que l'on propose, c'est pas celui de Paris, Grenoble ou Londres. Donc je pense qu'il faut rentrer dans aussi cette époque-là, qu'il faut déconnecter de la Garden City, selon moi, qu'il faut aussi déconnecter de Broadacre, parce que pour le coup, Broadacre, on pourra en discuter, là, on pourra discuter si vous voulez, on prend rendez-vous, on en discute. Et parce qu'ils se servent effectivement de cela, on n'est plus dans les mêmes époques non plus. Oui, tout à fait. Oui. On est là, au sorti, dans les années. En plus, c'est pas une des premières construites, justement. Non, c'est une des dernières. Oui. C'est la première de la troisième phase. Mais donc, en fait, elle va bénéficier aussi des leçons de autres. Bien sûr. Oui. C'est la même époque, évidemment, avec justement tous les enjeux écologiques. Qui ne sont pas présents dans les années 50 et 60. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux époques, c'est que là, Milton Keynes, et c'est pour ça qu'il vend les enfants qui jouent dans les champs, les fleurs, etc., c'est qu'on est dans le monde où l'environnement, l'écologie, ça compte. Bon, après, ça va disparaître. Mais on est là, ces années-là, c'est fondamental. L'environnement, c'est partout. Vous regardez le nombre d'ouvrages qui est publié en mettant en avant cette question d'environnement environnemental. C'est pour ça que la question bon, je ne sais pas si la question c'est la frugalité énergétique, j'en sais rien, mais poser cette question de l'environnement avec, avec ce cadre, oui, là c'est juste, mais il faut justement le repositionner dans son époque, je pense. Je suis tout à fait d'accord, notamment avec la comparaison avec les villes américaines, qui est une question qui me, voilà, qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Enfin, depuis le début, mais là je me dis qu'il faut vraiment en effet que je creuse là-dessus, parce que on a enfin un type de ville qui est totalement semblable, et j'ai plus la référence en tête, mais je l'ai lu il y a peu de temps. Columbia. Oui, exactement. Et quelqu'un disait dans un ouvrage que j'ai lu que dans les années 80, l'Angleterre était plus américaine que l'Amérique. Et je pense que, en effet, il y a quelque chose à faire, un parallèle à faire avec les villes nouvelles américaines à cette même période. Et voilà, c'est très intéressant, merci. Je ne sais pas si vraiment c'était des questions qui attendaient une réponse. Non, j'en ai pas totalement. Mais... Oui, un autre cas qui pourrait être français, qui pourrait être intéressant, c'est Mme Lavalée. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui, non, et ce qui n'est pas le cas dans la Lune d'Abo, ni à Maraville, c'est pas... Les français sont complètement invisibles. Mais dans l'image, l'air, ce sera intéressant. Justement, en relation avec ce type de questions sur ce plan contradictoire, quelle est l'autorité décisionnaire par rapport, entre autres, à ces trois grandes phases expérimentales? C'est que je pense que la création de la vie, c'est une décision de l'État, je présume, puisque... Oui, découlée du Newton Act. Et ensuite, 80, 86, 94, ça vient aussi... d'une autorité ministérielle anglaise, ou est-ce que c'est la ville elle-même? Alors, ça vient de la ville, de la Milton Keynes Development Corporation. Pardon. Mais on ne répond pas, parce que si on commence à avoir le schéma français d'un côté la commune et de l'autre côté l'État, ça ne marche pas. Non, c'est pas... C'est pas... La décision de la ville est une décision du ministère qui s'occupe des villes nouvelles, mais après, il y a un établissement public qui est mis en place. La Development Corporation. Development Corporation, et qui a une grande autonomie. Mais dont l'objectif, en fait, le New Towns Act prévoyait la création d'une development corporation pour chaque ville nouvelle qui gère sa planification, sa construction et la mise en vente et en location des habitations, et qui était là aussi pour lutter contre la spéculation foncière. Donc en fait, l'objectif de cet organisme-là était de garantir le bon déroulement de la ville et que voilà, les objectifs soient atteints sans encombre. Et elle échappe toujours à la spéculation foncière. C'est une ville qui grandit, donc qui était demandée, avec des gens assez aisés. Donc c'est tentant quand même. Oui, c'est tentant. Alors la ville ne s'étend pas ou peu actuellement. Par contre, le nombre de la population augmente. Donc ça commence à poser question. Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas très clair. Je sais pas encore exactement. Je sais que, la spéculation foncière est arrivée forcément, mais à quel point, dans quelle mesure, là-dessus, j'ai pas encore totalement les informations. Quoi. Par contre, il est évident que Milton Keynes n'a pas échappé à former des prix immobiliers qu'a connu l'Angleterre, etc. Donc voilà, ça n'a pas fait exception, notamment avec la politique de Margaret Thatcher qui est arrivée peu de temps après en fait la création de cette ville et qui a cassé les New Towns, qui a après dissous les Development Corporation, tout a été vendu. Donc voilà, en fait, elle a voulu stopper ce mouvement-là et donc voilà, la ville. Une petite question sur les plans. Je n'ai pas fait attention. Je suis désolée, c'est pas grave. On ne voit rien. C'est la distinction entre espace vert et zone agricole. Oui. Tu as mis les zones d'activité, les zones d'habitat, les zones d'éducation. Oui, alors on peut regarder qu'est-ce que. Je pense que ça fonctionne. Alors c'était à titre d'exemple que j'ai voulu. Ah, merci. J'ai voulu. En fait, oui, ce schéma-là, je vois duquel. Vous parlez, était là pour exprimer les... je vais en mettre au début. C'est le premier plan, je crois. Ouais. De mettre sur les choses. Voilà, l'objectif était, on parle bien de ça. Oui, d'accord. L'objectif était de montrer la dispersion des activités au sein de l'ensemble du territoire, en fait. Comme je disais au moment où je décrivais la ville frugale, les polarités réparties et la gestion des centralités, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ce plan-là qui montre qu'en fait, on a voilà, des zones d'éducation dans chaque secteur de l'activité, dans quasiment... pas à chaque secteur, mais bien répartis dans l'ensemble de la ville, et des zones résidentielles, bien sûr, qui occupent une majorité de l'espace parce que les constructions sont très peu denses. Et donc voilà, l'objectif, c'était de montrer que la gestion de ces polarités-là a été pensée et répartie sur l'ensemble du territoire, et donc on n'a pas de centralité qui génère des contraintes en termes de déplacement pour l'ensemble des habitants. D'accord. Est-ce qu'ils se sont posé la question de forme d'autonomie agricole, de ce genre-là, en complément de la frugalité ? Oui, alors la question de la frugalité n'était pas existante au moment de la création de la ville, bien sûr, mais par contre, la question de l'agriculture est bien présente. Comme je vous l'ai montré, on a ce mythe un peu de la ville-campagne qui est entretenu dans le cas de Milton Keynes, avec une ferme au centre de la ville, un des symboles de la ville qui sont ces vaches en béton, en fait, qui ont été conçues par un artiste. C'est assez anecdotique, en fait, la façon dont ce symbole est arrivé là, mais voilà, ça leur plaît en termes de communication. Et donc cette question existe là, et là aussi, bien, même s'il ne faut pas faire le rapport avec les Garden Cities, cette notion-là est héritée du modèle d'Howard qui pense à la production agricole proche des zones d'habitation, en fait. Donc voilà. Mais tu aurais pu superposer celle-là avec la verte. Ouais. Les espaces verts, ça ne correspond pas à ce qu'il y en a, c'est plus limité. Là, oui. C'est vraiment les réseaux de parcs qui sont autour des ruisseaux, des choses comme ça, ce qui est ouvert. À la toute fin, je les ai à côté, je crois. Là. Oh, je suis désolée. En fait, on superposait ces deux cartes, on verrait qu'il y a encore beaucoup de blanc. Mm. Moi, je pense que ça va combiner tant d'espace agricole et individuel, c'était ce qu'on n'avait pas encore construit. Et aujourd'hui, ça va vraiment changer parce qu'il y a effectivement une expérience de ferme juste à côté du lieu d'exposition. Mm. C'est en train de changer, mais je ne suis pas sûr qu'au départ, la préoccupation existe. Elle arrive aujourd'hui. Pour revenir sur la question des corporations de développement, c'est important, parce que comme ces institutions soient assez indépendantes des pouvoirs politiques, les gens peuvent s'en emparer et tenter l'expérimentation. C'est aussi une des raisons, comme les visiteurs, les établissements publics, avec de jeunes ingénieurs qui dirigeaient, qui étaient assez sensibles à un certain nombre de questions sur l'art, sur l'architecture, et ont monté des accords principaux. Alors que si ça était fait avec un conseil municipal, un maire, des élus. Oui. Oui, non, les démarches n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai une question par rapport à ces corporations. Est-ce que c'est elles qui. Le portage foncier, en fait, de cette partie du territoire qui mettait à disposition le sol pour. Oui, je crois. Ouais. Enfin, à bien sûr vérifier, je dois encore étudier et me plonger dans ces grands documents, mais normalement, oui, c'était justement un des objectifs de la développement corporation. Oui, Nicolas, merci. Nous, on a un regard au même moment et ça mérite un défi qu'on partage. Donc, on a exploré la ville ensemble un certain jour. Je crois que ce qui nous a le plus frappé quand on était, c'était la contradiction qu'il y avait entre le projet réel qu'on parcourait à pied. Et encore une fois, c'est vrai que ça, on l'a parcouru comme des grenouilles. Ouais. Donc, on allait faire un bout de ville et pour la journée, c'était plié. En fait, pour passer d'un bloc à l'autre, on était une heure. Et voilà, c'était une expérience en soi. De ce qu'on a et de ce que tu as des documents, il y a quand même une énorme contradiction entre la vision qui était projetée et ce que nous, on a vécu avec notre référentiel propre aussi. Mais ça me fait revenir un petit peu sur la situation d'avant où il y a vraiment une pensée entre le côté vision prospective et la réalité qui n'est pas du tout la même. Et je pense que c'est cette année-là particulière, ce moment-là un peu charnière de la conciliation à trouver peut-être clairement. Ouais. Du coup, oui, ça me fait penser à mon dernier schéma, le coup entre théorie et projet. Mm-hmm. Je pense que c'est pas à mettre à opposer. Je pense qu'il y a vraiment une. Non, c'est pas à opposer, c'est parallèle vraiment. Enfin, dans ma démarche, en tout cas, je peux pas. Je traite pas vraiment les deux séparément, mais par contre, dans une visée de clarification du propos et des références, je fais la distinction entre les deux. Mais parce que, voilà, il y a tout. Cette culture, les objectifs d'une part, et en effet, tu l'as dit, il y a les objectifs d'une part et ce qui fonctionne de l'autre. Alors là où je prends un peu de distance, c'est que, comme tu dis, on l'a regardé, on l'a parcouru la ville avec notre référentiel de grenoblois et de français par rapport à nos habitudes, par rapport aux villes qu'on connaît. Et quand on a entendu par exemple des habitants nous vanter le système de tram parce que c'est génial, il n'y a jamais d'embouteillage, on peut aller partout. Enfin, nous, on est sensibilisés à ces problématiques-là de transport et de rapport à l'écologie à côté, mais il faut comprendre que pour un habitant, Monsieur Tout-le-Monde de Milton Keynes, ce soit un gros atout. Donc peut-être que quand ils annonçaient des objectifs à la base de liberté de déplacement, de liberté pour l'individu, ben, pour eux, ça se traduisait comme ça, parce que c'était la voiture, le symbole de la liberté, et qu'aujourd'hui, en fait, ça fonctionne encore. Donc on est sur des problématiques qui sont différentes. Mais le moment où, en fait, le moment où a été fait le master plan de la ville, c'était avant ces chocs pétroliers. Et les constructions d'habitations se sont faites après. C'est-à-dire qu'on a dessiné les secteurs et les routes, et après on a rempli. Et du coup, il y a forcément voilà, l'aspect schizophrène et paradoxal de la ville. Il aurait pu y avoir une évolution de ça, mais n'empêche que construire encore comme ça maintenant, parce que de la prise de conscience, c'est pas parce qu'on était au moment de 70 qu'il y avait une prise de conscience, il aurait pu aller à la téléphone. C'est surtout, justement, c'est la capacité de ces plans à s'adapter. C'est ça. Parce que la question de l'unité de voisinage, c'est ça. Quand je reviens, c'est une question d'échelle. L'unité de voisinage, vous avez les écoles, vous avez tous les services. Donc, ça permet de penser la construction de la ville dans le temps, y compris dans les phases où la ville va, sa construction va être beaucoup plus lente, mais au moins les habitants qui sont là, ils ont le collège, un centre commercial pour acheter je ne sais pas quoi, ils ont un certain nombre de services à disposition. Ils ne sont pas comme on a pu faire parfois, nous, où on construit 10 000 logements et puis c'est le désert autour. Donc c'est ça. Et l'unité de voisinage, c'est ce qu'elle permet de gérer. C'est-à-dire qu'on construit unité de voisinage normalement par unité de voisinage. Je ne dis pas que ça s'est construit comme ça à Milton Keynes parce que je ne connais pas l'histoire spécifique de cette ville. Mais moi, ce qui me fait dire, si vous voulez, ce rapprochement, c'est quand vous êtes attardé sur la question des passages souterrains ou en pont au-dessus. Ça, vous le retrouvez dans toutes les revues Serradum. C'est justement dans toutes les revues des années 30, mais après des années 50, c'est effectivement ce qui va être réemprunté, notamment parce que quand vous êtes sur ces passages piétons, les enfants circulent tranquillement, ils n'ont pas peur, ils ne peuvent pas traverser par l'automobile, ils vont à l'école, ils vont à pied, voilà, dans ces lieux protégés. Ces passages, j'entends protégés pour, je parle des enfants, parce qu'à l'époque, quand les photos que vous voyez, c'est les photos des enfants qui font du vélo ou du patin à roulettes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va extrêmement marquer les esprits, plus que les 7D Le Corbusier, puisque en fait, Le Corbusier, on n'arrive pas à passer d'un secteur à un autre. Les passerelles, il avait imaginé des passerelles qui n'ont jamais été construites. C'est ça. Donc passer d'un secteur à un autre, un champ de gare, vous avez intérêt à faire bien attention aux automobiles, justement. C'est la raison pour laquelle David Mongin dit que en fait, la vraie référence dans l'urbanisme de secteur, entre guillemets, c'est Milton Keynes, parce que la sectorisation fonctionne dans le sens où la communication est garantie par ces passages-là, par le piéton, le cycliste et tout mode doux de transport. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait que tu regardes vraiment la question de l'unité de voisinage, parce que dans les schémas de Perry, les unités de voisinage sont assez proches les unes des autres et il y a des interfaces. Alors, il y en a trois. Donc, chaque unité de voisinage est là entourée par des lois qui sont quand même très difficilement traversables. Donc, il n'y a pas tout à fait tous les équipements, tous les commerces qui pourraient y avoir. Si oui, il faut voir comment c'est en effet. Il faut vraiment regarder. Et puis, il y a quand même un paradoxe. Moi, je trouve que tu en parles pas assez, on en entend parler. C'est le fait qu'il y a un centre-ville tout d'un coup qui apparaît. Dans lequel on concentre beaucoup d'équipements. des équipements qui sont exceptionnels, mais... C'est une question d'échelle, tu n'as pas tout à la même échelle. Mais bon, tu as le supermarché, tu n'as plus de commerce, mais quand même dans ce centre, tu as le supermarché qui a un peu plus de commerce, de proximité. Mais en l'occurrence, le centre commercial s'étale sur deux îlots, il est énorme, donc ça aurait été pas possible de mettre... À l'échelle de la ville, donc ça fait se multiplier les déplacements en voiture, ouais. De la même manière qu'il y a des déplacements de domicile de travail. Donc, un des grands problèmes, c'est que c'est une ville de bonne place. Oui, et puis un autre paradoxe en termes... La frugalité énergétique, si c'est bien du point de vue des prototypes et de l'habitat, c'est moins bien du point de vue de la mobilité. Non, mais pardon. Il ne faut quand même pas totalement oublier. Excuse-moi, il y a une autre remarque pour ajouter. Pardon, allez, continue. Parce qu'on arrive à 18h. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me manquait, en fait, c'est le dimensionnement qui est chez ça. Oui, il manque une échelle graphique. On s'est dit là, justement, et après, vous avez dit... Nous, on a marché à Grenouille, et à l'expérience, elle demande une expérience de la dimension. Ouais. Oui, pardon, c'est une grosse erreur de ma part. Alors, c'est fondamental, on parle de voisinage, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez que la taille des mailles. Alors, ça fait environ 1 km par 1 km. J'ai oublié de le dire. J'aurais dû mettre une échelle graphique, mais je comprends. Oui. Non, ce qui est exceptionnel dans cette ville. Totalement, c'est ultra consommateur d'espace. La ville fait à peu près 10 km par 10 km de côté. Deux dimensions. Alors, quand je parle de l'unité de voisinage, c'est pas le secteur. Les secteurs font 1 km par 1 km de côté environ, c'est beaucoup plus grand que l'échelle juste de l'unité de voisinage. Par contre, il y a une certaine autonomie qui est assurée dans les secteurs. Mais l'unité de voisinage, c'est encore une autre échelle. Mais de toute façon, quand on regarde la composition de la ville, en fait, le secteur n'est pas vraiment déterminant parce qu'à l'intérieur, on retrouve d'autres découpages avec là aussi des formes qui peuvent avoir rien à voir l'une avec l'autre. Juste à côté, on va avoir des typologies de maisons en vente et des maisons, des plans circulaires juste à côté dans le même secteur. Alors que voilà, ça. C'est une indication simple. Oui, oui, tout est. Non, mais c'est une erreur. C'est 1 km par 1 km à peu près de chaque secteur et la ville à peu près fait 10 km de côté dans chaque dimension, est-ouest et nord-sud, pour 250 000 habitants. Voilà. Donc c'est très diffus, quoi. Voilà. C'est quelques données que j'ai pas pensé à donner tout de suite. Les dernière petite remarque, très courte. Oui, je vais juste revenir sur le fait que ça a généré des problématiques. On parle essentiellement de la dimension et des moyens de promotion, et notamment de la voiture. Je vais juste dire de ne pas oublier que ton sujet, c'est la frugalité, et que c'est une manière de traiter la question de l'énergie. Et quand on parle aux gens là-bas, mais autant dans les cités jardins que dans les villes ouvertes, ils n'ont pas conscience, ils admettront pas qu'il faut changer de modalité parce que les solutions, pour certains, en tout cas, je vais en parler moi, ils vont te dire oui, la voiture électrique au deuxième arrive. Donc il n'y a pas de changement de mentalité là-dessus. Donc oui. La frugalité pour moi, c'est la clé d'entrée pour aller re-questionner les usages et la typomorphie et les données. Oui, il y a une vraie question. Oui, ouais, bien sûr. Il y a une question. Ils vont vendre comme énergétiquement bon, alors oui. Du point de vue de la frugalité, ça commence à poser. Oui, ce qui ressort assez rapidement de mes lectures, c'est que de toute façon, à l'origine, la forme même de la maison individuelle n'est pas frugale. Parce que pour des raisons de compacité énergétique, etc., il faut regrouper. Alors, il n'y a aucune nécessité d'aller dans de l'hyperdensité, qui pour le coup déséquilibrerait le confort par rapport à la vraie performance énergétique. Mais par contre, il y a une densité à trouver, ne serait-ce que pour des questions de déplacement d'une part et de gestion de l'énergie. La densité, comme tu disais, Oui. Donc, tu penses à ce point de vue, les ressources, c'est que vraiment... Oui, considérer le sol comme une ressource aussi.